Mets la main, on parle de la cacao. Non, il boit son verre après, il va. Je bois mon verre maintenant. Ah, qui chauffe le souci. Vas-y, c'est bon, viens. Vas-y, allez. On sait jamais que je mets sur la main de quelqu'un. Non, t'inquiète. Allez, bonne soirée. Rafaillage. Ciao. Vous m'entendez, monsieur? Faut se réveiller.